L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. De golf avec notre ami Rémi Curtness, parce que hier, Rémi est allé à la pêche, il n'a pas été capable, on n'a pas été capable de se parler. Salut Rémi! Rémi, ça a-tu pogné? Bonjour Danny. La pêche? Non, ça n'a pas été un succès. J'ai cherché un lac, j'ai marché à peu près, je ne sais pas combien de kilomètres, là, puis je ne l'ai pas trouvé. Mais c'était en pleine forêt, à travers les mouches, fait que ça n'a pas été un succès, non. Les insectes doivent être sortis à l'heure actuelle, hein? Hier, okay. Il ventait, fait que quand on était dans les fourches, c'était pas si pire, mais quand on arrivait en forêt, oui, dans le bois, là, il y avait de la mouche. Mais bon, je t'ai pas appelé pour parler d'insectes, je t'ai appelé pour parler de golf. Donc, si il y a eu la première, l'ouverture officielle en fin de semaine, tournoi membre et non-membre. Oui, premier tournoi, membre, non-membre, maxi, on a eu une participation record en fin de semaine. 180 joueurs, ça a été un succès sur toute la ligne. On avait même des juniors qui s'occupaient de l'accueil, là, qui allaient chercher les sacs des gens à l'arrivée, qui lavaient les bâtons après le 18e trou. On a eu pour 2 000 $ de prix, on a eu 180 soupers. Non, ça a été un succès sur toute la ligne, le premier événement. Par les années passées, ça jouait, tu sais pas les chiffres, par les années passées, ça jouait comment? Bonheur malin, là, on avait à peu près entre 80 et 120 joueurs. 120 joueurs, je pense, avait été notre participation record. Cette année, on a eu 180 joueurs, dont 70 membres et 110 non-membres, parce qu'on avait demandé à nos membres de faire un effort pour amener des nouveaux membres. Ça a donné les résultats que tu connais. En plus, ça a été bon pour le club parce que il y a quelques joueurs qui sont rentrés membres, puis il y a aussi quelques joueurs qui ont pris des forfaits. Alors, ça a été bon pour le club. Aussi. Le club est sauvé à court et moyen terme, mais vous êtes toujours à la recherche d'un financement. Il y a une activité bénéfice qui va avoir lieu très, très bientôt pour le club de golf de Saint-Prime. Ouais, deux choses là-dessus, si tu permets, Danny. D'abord, on est toujours en pleine étude environnementale pour la réalisation de nos projets, puis on attend les réponses du gouvernement du Québec là avant d'officialiser qu'effectivement le club est réellement sauvé. Faut avoir ces autorisations-là. Puis tu as raison, on est en pleine campagne de financement avec M. Lucien Brevin, maire de Saint-Prime, comme président de notre campagne de financement. C'est en lien avec ce que je vous ai déjà parlé, là, l'événement Regard vers le Nord, donc des conférences sur le Nord, particulièrement avec les minières, les donneurs d'ouvrages, là, Rio Tinto, Alcan, Hydro-Québec, tous ces grands donneurs d'ouvrages-là. Puis on espère attirer plusieurs compagnies, dont les équipementiers, là, qui pourraient avoir des contrats avec le Nord. Puis c'est lié avec notre campagne de financement. Et là aussi, on est en processus parce que le tournoi bénéfice va avoir lieu le 11 juin en lien avec l'événement Regard vers le Nord et le 12 juin, membres et nos partenaires financiers. Fait que tout ça, ça va aussi très, très bien. Pour les jeunes cette année, votre partenariat avec Domaine du Roi en forme, ça tient toujours, ça? Oui, on est... L'année passée, on avait 50 jeunes d'inscrits. Puis cette année, au moment où on se parle, on a un partenariat avec la MRC Domaine du Roi, là, Domaine du Roi en forme. Puis je pense qu'on a déjà 60 inscriptions. Là, je voudrais pas t'induire en erreur, mais je pense qu'on est déjà rendu à 60 inscriptions pour cette année, effectivement. Donc, on va se parler prochainement. Rémi, y a-tu d'autres choses à ajouter? La semaine prochaine, on se reparle. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on a retravaillé nos verres, puis sincèrement, là, le terrain s'en vient en réellement bonne condition. Alors, on invite les gens à venir jouer notre magnifique parcours pour ceux que ça intéresse. Il est réellement beau cette année. Rémi Curtness, un gros merci, puis on va se reparler prochainement. le président du Merci, M. Danny. Bonne journée.